Composer la radio, das Radio komponieren. Eine Konferenz von und mit Luc Ferrari und Brunhilde Meyer-Ferrari. Ich spreche kein Deutsch oder sehr schlecht oder sehr wenig. Und meine Kopien kann besser Deutsch sprechen, ich glaube. Ich hoffe. Ich auch. Donc, je parle français. C'est plus commode pour moi. Es ist also einfacher für mich, Französisch zu sprechen. Encore que. Obwohl. Et donc, je ne vais pas faire un discours objectif sur le Hörspiel. Ich werde also keinen objektiven Vortrag über das Hörspiel halten. Parce que ça n'est pas mon rôle. Moi, nicht meine Rolle. Je suis un acteur, donc je suis en plein dans la subjectivité. Ich bin ein Akteur, das heißt, ich bin vollkommen in der Subjektivität. Dans ce sens, je n'ai pas de capacité d'analyse. Und in dem Sinne habe ich auch nicht die Kapazität für die Analyse. Il se trouve, par contre, que de par mon histoire, j'ai côtoyé. Dagegen in Anbetracht meiner Geschichte. J'ai côtoyé l'histoire de la deuxième partie du XXe siècle. War ich in Verbindung mit der Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Par hasard. Das war ein Zufall. J'ai essayé de jouer dans cette histoire-là. Auch habe ich versucht, in dieser Geschichte mitzuspielen. Non, pas jouer un rôle, mais nicht eine Rolle zu spielen, sondern de jouer avec cette histoire. Mit dieser Geschichte zu spielen. Donc, la subjectivité m'engage à une certaine relation. Die Subjektivität verpflichtet mich zu einer bestimmten Beziehung. Avec l'intimité, zur Intimität, avec la vie personnelle, zum persönlichen Leben, et dans une certaine mesure, und in gewissermaßen, une façon de la raconter. Auch geht es um eine bestimmte Art und Weise, es zu erzählen. Je disais un jour où j'étais inspiré. Eines Tages, als ich inspiriert war, sagte ça m'arrive pas souvent. Das passiert nicht allzu oft. Que j'étais mon meilleur sujet parce que je connais assez bien. Sagte ich, dass ich mein bestes Thema bin, weil ich es ziemlich gut kenne. J'emploie cette technique. Ich verwende also diese Technik. De notation. Der Notierung. Et d'excitation autour de justement de cette subjektivität. Und der Erregung gerade dieser Subjektivität. Mais d'abord, je voudrais essayer d'écrire brièvement. Aber zuerst möchte ich versuchen, kurz zu beschreiben. Ce qui s'est passé quand j'ai commencé ma vie musicale, dans quelle situation j'étais. Was passiert ist, als ich mein musikalisches Leben begonnen habe. À la fin des années 50, quelle zu était. Ende der 50er Jahre. Et quelle était la situation. Welches war damals die à Situation. Ce moment-là. Il y avait le studio de musique concrète. Es gab das Studio für Musik konkret. Avec Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Mit Pierre Schaeffer und Pierre Henry. C'était à l'intérieur de la radio, une institution. Das war innerhalb der Rundfunkanstalt, eine Institution. Et comment ça se passait dans cette situation expérimentale? Wie verlief das damals in dieser experimentellen Situation? Des techniciens posaient des microphones. Techniker richteten Mikrofone ein. Ils enregistraient les sons sous l'indication des compositeurs. Nahmen den Ton auf nach Angabe der Komponisten. Après, des techniciens ont manipulé les sons, ont les coupé. Und hinterher die Techniker halfen dabei, den Ton zu manipulieren, zu schneiden. On les mixait. Der Ton wurde gemischt. Et enfin, on faisait quelque chose qui ressemblait und schließlich à de la musique. Entstand etwas, was der Musik ähnelte. Et c'est à l'intérieur de cette institution que j'ai commencé à composer les premières études de musique concrète. Habe ich begonnen, die ersten Etüden für Musik konkret zu komponieren. L'autre alternative, c'était dans la radio de Cologne. Eine Alternative war die des Kölnischen Rundfunks. Autour de Herbert Eimert. Herbert Eimert. Les compositeurs aidés d'assistants. Die Komponisten mit Hilfe von Assistenten. Faisaient des sons avec des générateurs de fréquences. Machten Klänge mit Frequenzgeneratoren. Ils les montaient, ils les coupaient, ils schnitten, sie montierten. Manipulaient, ils les mixaient. Und mischten sie. Stockhausen à ce moment-là. Und in dem Moment. Composait ses premières études de musique électronique. Stockhausen die ersten elektronischen Etüden. Un peu plus tard, dans les studios de Milan. Ein wenig später im Mailänder Studio. De la phonologie. Studio für Phonologie. Une autre institution. Auch eine Institution. Luciano Berio avec les techniciens. Er arbeitete Luciano Berio mit Technikern. Il enregistrait les vocalises extrêmes de Carti Berberian. Der extremen Vocalisen von Carti Berberian. Il les manipulait, mixait, montait. Manipulierte sie, mischte. Composait. Und komponierte. Le Omaggio a Joyce. Omaggio a Joyce. C'était un moment très particulier dans notre vie de compositeur. C'était une ganz besondere Zeit innerhalb unseres Komponistenlebens. D'être confronté pour la première fois à la technologie. Zum ersten Mal mit der Technologie konfrontiert zu sein. Pour composer avec d'autres sons que les sons instrumentaux. Eben mit anderen Klängen zu arbeiten als Instrumentalklängen. L'enregistrement ouvrait la porte. Und die Aufnahme, die Tonaufnahme, öffnete die Tür. Ouvrait la porte à une autre manière de composer. Für eine andere Art und Weise zu komponieren. Avec d'autres idées, avec. Mit anderen Gedanken, mit. Avec d'autres concepts, peut-être. Mit vielleicht anderen Konzepten. Et c'est à ce moment-là que la porte étant ouverte. Und als also zu der Zeit die Tür offen stand. J'ai poussé encore un peu plus la porte et je suis sorti des studios. Habe ich die Tür noch ein wenig weiter geöffnet und bin aus dem Studio hinausgegangen. Parce que avec le hasard de la technologie. Und wegen des Zufalls innerhalb der Technologie. Il s'est trouvé que à ce moment-là, on a inventé le magnétophone portable. Es geschah eben zu dieser Zeit, dass man das tragbare Tonbandgerät erfunden hatte, qui permettait d'être mobile, welches gestattete, beweglich zu sein. Et c'est pour cela et c'est comme ça que j'ai eu envie. Und deswegen hatte ich auch die Lust, d'introduire dans la composition musicale in die musikalische Komposition les sons de la société, die Klänge aus der Gesellschaft einzuführen. Je préfère employer ce terme plutôt que ich ziehe es vor, diesen Terminus zu benutzen, paysage sonore an ou soundscape, Stelle von Klanglandschaft oder Soundscape. Qui est un peu trop restrictif parce que das les sons de la société. Zu restriktiv, denn die Klänge aus der Gesellschaft. C'est aussi bien les voitures sind que ebenso gut die que les oiseaux, Autos wie die Vögel, que le bruit du blé, die Geräusche der qui bouge Kornfelder, avec le vent. Die im Wind sich wiegen. Deuxième page. Zweite Seite. Si je réfléchis maintenant à cette histoire-là. Wenn ich jetzt über diese Geschichte nachdenke. Il s'agissait évidemment d'une démarche complètement différente de celle d'être dans un studio. Handelte es sich natürlich um eine ganz andere Situation als derjenigen in einem Studio zu sein. D'être directement justement dans le brouhaha. Nämlich direkt sich innerhalb der Geräusche de la vie zu befinden, der Geräusche des Lebens. Et c'est pour ça que j'ai inventé ce terme dérisoire. Deshalb habe ich auch diesen Terminus dérisorisch, den ich mit Belustigung nannte, wie de la musique anecdotique. Anekdotische Musik. Mais erfunden. C'était pas seulement une boutade, c'était une. Aber das war nicht nur ein Scherz, es. Une réalité. War eine Realität. C'était aussi la façon de d'essayer de auch faire, ging es darum zu versuchen, de faire rentrer la narration, das Narrative, d'une façon plus ou moins poétique, plus ou moins directe, mehr oder weniger poetisch oder mehr oder weniger direkt einzuführen, plus ou moins virtuel, oder auch mehr oder weniger virtuell, dans la Komposition musicale. In die musikalische Komposition einzuführen. C'est pour ça que là, je commence à effleurer l'idée du Hörspiel. Deshalb beginne ich jetzt hier, die Idee des Hörspiels zu betasten. Donc cette nouvelle situation, c'était la suivante. Und diese neue Situation war also folgende. Il n'y avait plus le studio, il n'y avait plus les techniciens. Es gab nicht mehr das Studio, es gab nicht mehr die Techniker. Il s'agissait d'avoir mon magnétophone. Es ging darum, dass ich mein Tonbandgerät hatte. Mes micros. Meine Mikrofone. Et qui étaient ma propriété. Die mir gehörten. Et c'était mon matériel et c'était moi. Es war also mein Gerät und es war ich. Qu'on le veuille ou non, j'étais là dans une situation. Ob man es will oder nicht, ich befand mich da in einer Situation. Originale et de présence. Die original war und. De reconnaissance de l'instrument. In der die Erkenntnis des Instrumenten präsent war. Qui faisait de moi. Und das machte aus mir. Sans que je m'en rende compte. Ohne dass ich es merkte. Un artisan de l'autobiographie. Einen Handwerker der Autobiographie. J'étais présent, je tenais mon micro. Ich war anwesend, ich hielt mein Mikrofon. J'ouvrais l'enregistrement du magnétophone. Ich öffnete die Aufnahme meines Tonbandgeräts. Je cueillais le son qui passait à ce moment-là. Ich pflückte den Ton, der in diesem Moment vorbeizog. Je le choisissais, c'était ich mon wählte choix. Ihn aus, es war meine Wahl. C'était mon son. Es war mein Ton. Il s'enregistrait sur mon matériel. Der auf meinem Gerät aufgenommen war. Et donc, ce que je suis en train de raconter, was ich also hier erzähle, c'est l'autobiographie gestuelle de l'homme qui tient le micro. Es ist hier die gestuelle Autobiographie desjenigen, der sein Mikrofon hält. Lorsque en 70 und als 1970 j'ai rencontré Hermann Nabba, Hermann Nabba begegnet bin, il m'a dit que les compositions que j'avais fait avant comme Hétérozygote, meinte er, dass die Kompositionen, die ich zuvor gemacht hatte, wie Hétérozygote, Musique Promenade und Musique Promenade, ressemblaient à des Hörspielen. Hörspielen ähnlich sein. Moi, je connaissais un petit peu l'histoire ich kannte ein klein wenig du Hörspiel. J'avais participé, die Geschichte des Hörspiels. Ich hatte la Radio Cologne avec Maurizio in Kagel. Köln mit Maurizio Kagel. À des cours schon, qui étaient à la Rheinische Kursen an der Rheinischen Musikschule beigewohnt. Dont le thème était le Hörspiel. Und das Thema damals war Hörspiel. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ce département d'une und façon. Und in diesem Moment, also als ich Hermann Nabba begegnete, bin ich auch dieser Hörspielabteilung begegnet. Cette histoire-là a croisé mon travail. Und diese Geschichte begegnete eben meiner allgemeinen Arbeit. Ainsi a commencé une vie. Und so begann ein partiel de compositeur de Hörspiel. Ein Lebenszweig als Hörspielkomponist für mich. J'ai fait autre chose. Ich donc habe auch andere Dinge gemacht. C'est un chemin dans ma vie. Das il y en ist a einer d'autres. Meiner Wege im Leben. Es gibt andere auch.